j'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Deux, trois taffes sur le bang. Deux, trois trucs à faire, après je passe. T'es pas un homme, mais je le sentais. Deux, trois fois, j'ai remarqué tes actions. Deux, trois kilos à faire partir. On touche pas la recette, on réinvestit. La BA, c'est qui se met par terre. Le talent dans tous les quartiers. Quand j'écoute des classiques, ça me fait repenser au passé. Là, je converge toute la nuit. Entre nous, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je converge toute la nuit. Là, je converge toute la nuit. Quand j'écoute des classiques, ça me fait repenser au passé. Des fois, c'est pas facile. Je retiens ma colère, demande à Yacine. Si je m'écoute en colère, ils vont croire que je sors de l'asile. J'ai des potos qui se sont rangés dans le jean. Pour eux, je pourrais tuer. Ils me font des rappels, me disent que la vie, seul Dieu peut la restituer. Non, non, non, non, non. La seule homme qui j'ai comme ça, c'est la maman. T'étais mon poteau, tu m'as fait ma maman. Toi, t'étais là que quand j'avais la maman. J'arrive dans le game, we combat. On rentre dans le tas, on aime le contact. 2, 3, 4, 5, 6 packs. On a toujours le tac, mamacita. 2, 3 amis sur qui compter. 2, 3 trucs à faire, après je trace. Compte à zéro sur le compte. Y'a plus des gars, on dirait qu'ils se sont tous planqués. J'ai tout donné pour l'Asie. Je fais ça avec le cœur, il faut que vous le sachiez. J'ai enchaîné les classiques. J'ai pas compté le temps, les heures qui passaient. Je converge toute la nuit. Quand j'écoute des classiques, ça me fait repenser au passé. Non, non, non, non, non. La seule homme qui j'ai confiance, c'est la maman. Ouais. T'étais mon poteau, tu m'as fait ma maman. Toi, t'étais là que quand j'avais la maman. J'ai pas chez l'une, je l'ai chez l'autre. Deux, trois taffes sur le banquet.